sortir. Mais ne rêve pas, on t'oubliera, quel que soit le moyen, casse-toi de là. Ça sert à rien, tout se répète, tout ce que t'aimes bien, c'est que dans ta tête. Et mon sang est dehors, j'apporte trop de mélange assis dans ma porte, je crois plus que ça me dérange. Je crois plus que ça me démange. Est-ce qu'on pense que moi les deux volants? Et mon sang est dans ta porte, trop de mélange assis dans ma porte. Je crois plus que ça me dérange. Je crois plus que ça me démange. J'en pense que moi les deux volants. Bien sûr tu me manques déjà. Et le discret des sphères, je sais le coup de fleur. De fin et si prendra effet ce soir. Seule envie, c'est crever. De se les faire chier, tout défoncer. Crever. Ça y est, ta vie, et tous les rêves, pleurer tout le monde, même tes frères, et t'as sniffé toutes les poussières. Tout avaler, tout déballer. Et j'ai sur la peur, de mort et froid. Et baisse le front, t'as si froid. Plus personne ne parle à toi. Et quel que soit le moyen. Thank you.